Annabelle se réjouit d'avoir une nouvelle robe créée par Bérangère, mais elle s'inquiète. Il nous faut aussi de bons souliers, peut-être un chapeau. Et... Azuriane l'interrompt et balbutie. J'ai une idée. Nous pourrions donner un concert pour tous les invités de ce grand bal. Les fées se réjouissent de cette proposition. Oh, je dois faire réparer mon violon, soupire Ombeline. Et moi, ma balalique, ajoute Azuriane. Allons voir Tilly, s'exclame-t-elle d'une même voix. Oui, oui. Le lutin semblait les attendre. Venez par ici, notre lutin luthier fait des merveilles. Les fées hument l'air. Une bonne odeur de bois fraîchement travaillé flotte dans la pièce. Ombeline et Azuriane présentent leur instrument que le lutin examine attentivement. Annabelle murmure à l'oreille de Cirella « Et nous, nous nous installerons au piano pour jouer à quatre mains, n'est-ce pas ?» Cirella acquiesce. Le lutin luthier promet de livrer les instruments à la fin du bal. Avant de repartir, les fées respirent une fois encore la bonne odeur du bois. Mmh. Oh,